C'est mon mic et ma voix. Je tire à toutes parts, pas de piège assassine. Ce qui ne fait le pas, mes voix réussies.